donne du sang pour mes gars. Ceux qui vivent dans le riche, j'espérais pas les dégâts. J'investis pour ma clé. En provenance direct du sud pour tes enceintes. Que le son dégage. Barque sur ton poste pour te niquer. Sans aucun partage. Même à la mise, j'ai foutu la merde sur ta sono. Avec mon putain de flow et ce vécu qui me colle à la peau. Comme la pisse sur les murs des blocs d'ici ou de chez toi. Tu veux que je te dise quoi? Gros le spliff qu'a pronique la hala. Non, je cautionne pas ça. Je suis plus un gosse, j'ai passé l'âge de faire ça. J'ai passé trop tard à faire ça. J'ai perdu trop de temps en faisant ça. La vie passe trop vite, fils, on n'a pas le temps de voir les choses venir. Crever sans avoir rien fait, je crois bien que c'est ça le pire. Pour beaucoup, les souvenirs, c'est alcool, bagarre et garde. Y'a rien de positif en plus, on se dit que c'est pas grave. On fait partie des statistiques de ces enfants de bâtards qui nous font passer de la cellule au mitard. Non mais quoi, qu'est-ce que tu croyais que j'allais te raconter? Putain, tu pensais quoi? Ici, c'est pas l'épée du Mickey. Non, ici, les gosses veulent tout niquer. Je donne du sang pour mes gars. Tous ceux qui vivent dans le risque, je paierai pas les dégâts. J'investis pour ma clé, si je suis devenu comme ça. Tu sais que j'ai grandi dans le vice, pour ceux qui sont dans mon cas. Je crache ma haine sur 10. Je donne du sang pour mes gars. Tous ceux qui vivent dans le risque, je paierai pas les dégâts. J'investis pour ma clé, si je suis devenu comme ça. Tu sais que j'ai grandi dans le vice, pour ceux qui sont dans mon cas. Je crache ma haine sur 10. Qu'on veut, c'est avoir les couilles vides. Et les boches pleines. Rien à foutre du reste, c'est clair. Ça en vaut pas la peine. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant un bout de temps. Après j'ai vu les choses différemment. Avec l'âge on change de raisonnement. Mieux vaut tard que jamais. Mais pendant cette période passée à gaspiller les neurones. Avec le shit et l'alcool, défoncer les deux tiers du jour et toute la partie de la nuit où je restais éveillé. J'ai perdu trop de temps, j'ai trop merdé. J'ai peur du jour où je devrais rendre les comptes. Pour l'heure les comptes c'est moi qui les fais. Ce qui m'est dû je manque pas de le réclamer. Clamer ma rage sur disque et faire tout cramer. Penser percer dans le rap et être acclamé. C'est le genre de rêve de gosse que j'ai depuis longtemps enterré. J'ai donné du sang pour mes gars, tous ceux qui vivent dans le risque. Je paierai pas les dégâts. J'investis pour ma clique, si je suis devenu comme ça. Tu sais que j'ai grandi dans le vice, pour ceux qui sont dans mon cas. Je crache ma haine sur 10. Je donne du sang pour mes gars, tous ceux qui vivent dans le risque. Je paierai pas les dégâts. J'investis pour ma clique, si je suis devenu comme ça. Tu sais que j'ai grandi dans le vice, pour ceux qui sont dans mon cas. Je crache ma haine sur 10. Chaque mot comme des doutes du 9mm para. Éjecté de ma bouche comme la carcasse d'un Beretta. Je dois constamment sur la gâchette, prêt à défourailler. Jeunesse gâchée par les aléas d'une vie trop compliquée. Le premier responsable, c'est moi. Le second, c'est son. Cet environnement propice aux excès et aux péchés. À chacune de mes prières, j'en ai sans rattraper. Tourne en rond sans but précis, en me demandant ce que je suis censé faire ici. Même si je passe moins de temps assis sur le béton, à regarder mes gabédas en attendant de voir la nuit béton. J'ai pas trouvé de but, j'aimerais pouvoir dire que de peu on se contente. Ça serait mentir, on en veut toujours plus. Longue est la file d'attente. Je donne du sang pour mes gars, tous ceux qui vivent dans le risque. Je paierai pas les dégâts. J'investis pour ma clique, si je suis devenu comme ça. Tu sais que j'ai grandi dans le vice, pour ceux qui sont dans mon cas. Je crache ma haine sur 10. Je donne du sang pour mes gars, tous ceux qui vivent dans le risque. Je paierai pas les dégâts. J'investis pour ma clique, si je suis devenu comme ça. Tu sais que j'ai grandi dans le vice, pour ceux qui sont dans mon cas. Je crache ma haine sur 10. Je donne du sang pour Déjà mon production, mon je donne du sang pour KGB production et calé. Je donne du sang pour DJ DK. Je donne du sang pour SIDI CDM. Je donne du sang pour originaire du sud des cœurs. Je donne du sang pour Karim Kill, Alfro et Samra. Je donne du sang pour Cirque Macabre et pour Bias. Je donne du sang pour la CNC et Tussa. Je donne du sang pour tous les gars. Le Z, le E, le G, le U, le A. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?